J'ai mis un croissant de lune dans mon café du matin. Et j'ai compté ma fortune dans les lignes de ma main. Au dehors, la dernière brume m'a ouvert tout grand les yeux. Alors j'ai repris la route qui mène aux horizons bleus. J'ai mis un croissant de lune dans mon café du matin. Et j'ai compté ma fortune dans les lignes de ma main. Au dehors, la dernière brume m'a ouvert tout grand les yeux. Alors j'ai repris la route qui mène aux horizons bleus. Ces horizons que cachent-ils derrière eux? D'autres dieux, d'autres coutumes, d'autres soleils. Et que ferais-je si là-bas tout est pareil? Je crois bien que je reviendrai malheureux. J'ai mis un croissant de lune dans mon café du matin. Et j'ai compté ma fortune dans